cave est bien trop sombre. Matelas posé sur la pierre, chiffon accroché fond de l'ombre de ce tube qui projette la lumière. Il y a cette odeur immonde, pour les besoins un seau de fer. Le dortoir des enfants de ce monde, tu peux pas le voir à l'autre bout de la terre. Oh, le monde sans larmes, le monde sans larmes. Oh, le monde sans larmes, des enfants esclaves qui triment sans raison. Comme Cosette ou Cendrillon, pas de vengeance ni de fée. Oh, non, non, non, le monde où nous vivons. Le monde où nous vivons. Dans la cale de ce vieux navire, autour du moteur, les enfants qui dorment dans ce bruit, dans ces étouffantes vapeurs. Et peu importe les coups, les cris, il faut qu'ils bossent dans la douleur. La prison des enfants qu'on oublie, tu peux pas savoir ce qu'est leur peur. Oh, le monde sans larmes, le monde sans larmes. Le monde sans larmes, des enfants esclaves qui triment sans raison. Comme Cosette ou Cendrillon, pas de vengeance ni de fée. De la chance qui est leur, de manger à n'importe quelle heure, pouvoir aller chez le coiffeur, de pas payer le prix de la sueur. Et tout là-bas de l'autre côté, le dortoir des enfants se volait.